Salut. Pas le faire ça. Comment il fait ça là? J'essaye d'apprendre un morceau, mais j'y arrive pas. Et j'ai plus de son. Ah, d'accord, ça m'a coupé le truc, putain. Guitare.